France Impro, ça donne chaud. Et bonjour à tous, donc on est samedi matin, comme vous le savez, c'est le deuxième samedi du mois, et à 10h il y a quoi ? Il y a France Impro, c'est l'émission de musique improvisée, vous savez, qui s'est lancée fin 2014. Et donc on est à la quatrième de la série, là, ce matin. On est content d'être là, et donc c'est Jean-Michel au micro ce matin, il y a Youssef à la technique, il y a Luc qui est pas très loin, et puis on a deux invités... sont Marc Mafiolo, bienvenue Marc. Bonjour, merci. Et Laurent Paris. Bonjour. Merci à tous les deux d'être venus. C'est pour l'un d'entre eux, en tout cas, d'assez loin, qui a dû se lever tôt ce matin. Et voilà. Alors, ce qu'on va faire ce matin, on va parler de musique improvisée, on va parler de vos projets, on va parler de vous, pourquoi vous faites cette activité-là. Pourquoi nous, on l'a fait aussi, finalement, on va pouvoir partager ces choses-là. On va peut-être faire un peu de son live si vous en avez envie, mais c'est pas obligatoire, c'est comme on le sent en cours de route. On a quelques disques à passer avec des morceaux qu'on pourra faire écouter, qu'on pourra commenter aussi. Pour préparer l'émission, moi j'ai amené un bouquin qui s'appelle Confession d'un compositeur, c'est de John Cage. Il y a des idées, il y a des choses intéressantes que j'ai trouvées dedans, je vous en parlerai un peu. Je crois que Youssef a un texte aussi à lire, des petites choses. Voilà le programme pour la matinée. Enfin, pour la matinée, pour l'heure qui vient, quoi. Alors, chers amis, ce matin, qui veut commencer ? Ouais. Peut-être Marc, puisque t'es le mieux réveillé de nous trois. Je sais pas, qu'est-ce que tu peux dire de tes débuts dans cet exercice, dans cette activité d'impro ? Comment c'est venu ? Pourquoi ? Comment c'est venu ? C'est venu. Ouais, c'est venu d'un... Attends, je vais baisser. J'ai vachement de son dans mes oreilles. C'est venu d'un orchestre dans lequel je jouais qui s'appelait le Grand Ose. Je ne sais plus quand, dans les années 2004-2005, je crois. Ouais. Un orchestre qui a été monté suite à une année effectuée dans une école de musique à Musicale, Toulouse. Et c'est un orchestre qui s'est monté à partir du sound painting, du coup de la direction par langage du direction musicale, par le langage du signe, de la musique. Et à l'intérieur, on faisait pas mal d'improvisation. Du coup, c'est assez ma première entrée dans cette musique. Et dans cet orchestre, du coup, ça me plaisait beaucoup. Et dans cet orchestre, il y avait aussi Laurent aux percussions. Et à force de jouer ensemble, il y a un moment, Laurent m'a proposé qu'on se rejoigne chez lui pour essayer des choses en duo, du coup, percussion et saxophone. Ouais. Je suis saxophoniste. Et là, on a vraiment commencé un travail, entre guillemets, autour de ça, de la musique improvisée. Et c'est vraiment de cette manière que je suis rentré dans cette espèce de courant de musique, à jouer une musique où il n'y a pas forcément d'écriture, où les choses sont jouées assez librement. Voilà. Et ça continue. Laurent, tu veux commenter ? Tu veux parler de tes origines à toi ? Mes origines, mon père vient du Liban. Ma mère est espagnole. Je suis né à Bordeaux. Et j'habite dans le Gers depuis 1996, dans exactement. Dans ta jolie campagne. Voilà. Ouais. Voilà pour mes origines. L'improvisation, en fait, en y réfléchissant, je pense que j'en ai toujours fait, plus ou moins. J'en ai toujours fait. Je pense même que j'ai commencé la musique comme ça, quand j'étais gamin. J'improvisais, on m'avait acheté une guitare et en fait, je jouais jamais de guitare. Quoi. Je m'en servais de tambour, quoi. J'improvisais dessus, donc je crois que j'ai eu un premier rapport comme ça avec la musique. Et après, j'ai eu un cursus assez banal, j'ai fait du rock comme beaucoup de gens qui commencent la musique à adolescent, quoi. Donc j'ai fait du rock, et puis je suis arrivé au jazz plus tard, autour d'une vingtaine d'années. Tout ça. Mais pas vraiment de jazz improvisé, des choses comme ça. Mais il y avait quand même toujours une part d'improvisation dans la musique que je faisais. Et puis c'est plutôt, je dirais, il y a une quinzaine d'années, un peu plus, une 15-20, ouais, parce que je vais avoir 50 ans quand même, hein. Donc il y a à peu près 15 ou 20 ans, j'ai petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser à des formes de musique de plus en plus improvisées, de plus en plus, de moins en moins écrites. Et voilà, donc ça s'est fait petit à petit, c'est un processus qui s'est mis en place petit à petit et qui s'est petit à petit aussi révélé un peu comme la musique dans laquelle je me sentais le mieux, peut-être. Plus ça va, plus j'ai envie de faire ça, pas que ça. J'ai toujours envie de faire d'autres choses à côté, d'autres formes de musique. Mais disons que c'est une forme de musique qui m'a beaucoup aidé à continuer à faire de la musique. C'est un peu un goût finalement qu'on sent même enfant, quoi. C'est un goût, c'est une démarche qu'on va titiller et puis finalement petit à petit c'est un espace qui s'agrandit. Bien sûr. C'est ça, on arrive on sent qu'on arrive à s'épanouir, à rencontrer des choses nouvelles. Enfin, pour moi, c'est clair que c'est vraiment ça. Ça m'a servi à trouver des clés, trouver un intérêt dans la musique pour continuer à pratiquer, ça m'a aidé à jouer d'autres formes de musique. Mm-hmm. Donc maintenant, quand je me retrouve à accompagner de la chanson ou à jouer en formation écrite, d'avoir fait ou de pratiquer l'improvisation vraiment très très régulièrement et de manière de plus en plus approfondie, ça m'aide vachement. Je m'en rends compte depuis longtemps, quoi. Donc c'est une musique qui n'est pas, c'est pas anodin, quoi. C'est pas enfin, je veux dire, c'est pas un domaine cloisonné quelque part, les improvisateurs et puis ceux qui improvisent pas d'un autre côté. Ça je pense on peut rencontrer des gens qui s'estiment, j'en ai rencontré des gens qui pensent que pour être improvisateur il ne faut faire que ça. Ça je pense c'est une chapelle. Et les chapelles, c'est pas bon, quoi. Non, il n'y a pas besoin de parler d'actualité pour voir que les chapelles, c'est une catastrophe, quoi. Donc, moi, je suis anti-chapelle, quoi. Et l'improvisation, elle a mille formes, quoi. Elle a mille formes, elle a mille sources, mille formes, et elle peut se développer partout, dans n'importe quelle culture, quoi. On passe un exemple, on passe un morceau. Alors, morceau, voilà, on a le choix. Mais peut-être qu'on va commencer par un morceau qui a été proposé par Marc, donc Bob Magnusson et Lou Grassi. On t'entendra en parler un peu juste après le morceau. D'accord. Allez, ça marche. C'est parti. Moi, j'ai bougé. Thank you. Et voilà, on est toujours en direct sur Éphémère 89.9, on est d'accord ? Ouais, c'est bien ça. Voilà, on vient d'écouter un morceau de Bob Magnusson et Lou Grassi. Peut-être, Marc, tu peux nous en parler un tout petit peu ? Ben, vite fait, ouais, en fait, le... Bon, il y a le morceau, après le pourquoi j'ai emmené cet album. C'est parce que dedans, là, ce qu'on a entendu, c'est quand même assez, assez de couleurs de free jazz. Et c'est un duo, du coup, Bob Magnusson à la batterie et Lou Grassi au saxophone, qui, dans ce disque, en tout cas, exploite une... Je trouve différentes formes que je trouve super pour parler justement de la musique improvisée. Cette forme de jouer assez free. À l'intérieur, dans l'album, il y a aussi des choses écrites qui leur servent aussi de prétexte à improviser. Il y a aussi des formes un peu plus bruitistes. Et du coup, ce qui me plaît de ce disque, c'est les... Il y a un côté, pour parler, Laurent parlait de Chapelle tout à l'heure, effectivement, il y a un côté aussi paradical que j'aime beaucoup aussi dans la musique improvisée, cette chose d'aller jouer là où on a envie d'aller jouer. Et ce disque qui m'intéresse, me plaît beaucoup pour ça. Voilà. Mmh. Et puis c'était un petit lien aussi au duo qu'on a avec Laurent, qui est de percussion saxophone, et là voilà, c'est un duo de batterie saxophone, qu'on a beaucoup aimé un jour en tournée, dans la voiture, quand on partait jouer, à écouter, voilà. Marc Mafiolo, Laurent Paris, et puis on écoutera tout à l'heure un morceau de Agafia. Agafia, ouais, c'est pour tout à l'heure. Et en parlant d'Agafia, justement, moi, quand je vous ai vu jouer, c'était pas loin de chez toi, Laurent, juste dans le Gers, dans une chapelle, la première fois. Et moi, ce qui m'a scotché, c'était ce... Parce qu'en plus, c'était une expo d'art plastique, parce que t'es aussi plasticien. On va en parler un peu. Et c'était l'amusement, quoi, le jeu. C'est-à-dire qu'on est dans un truc sérieux qui est d'être dans l'instant, d'être dans l'émotion, dans la création de quelque chose, et en même temps, putain, on s'amuse, quoi. Et c'est pas toujours qu'on voit des musiciens, notamment en impro, qui arrivent à garder cette espèce de liberté enfantine, de créer en même temps que de s'amuser, quoi. Et ça, c'est un truc, comment... Enfin, moi, j'ai du mal à ça personnellement, je le sais. Mmh. Et comment ça marche, enfin, c'est super beau à voir, en tout cas. Ouais, merci. Si je bosse le concert en plus, c'est gentil. Comment ça marche, Luc, tu es génial. Luc vient de m'apporter, c'est complètement improvisé, une chocolatine, mais... voilà, que je vais partager avec mes copains. Écoute, oui, c'est important ce que tu dis, l'amusement, le plaisir, ouais. Le plaisir de la musique, le plaisir de jouer, le plaisir d'écouter les gens avec qui tu joues. Le plaisir de découvrir des choses que tu réalises, de te découvrir aussi, de découvrir que en fait tu avais un potentiel que tu ne soupçonnais pas en toi. Ça c'est jouissif, quoi. Enfin, moi c'est une grande partie de la raison pour laquelle je continue à faire de l'impro, c'est celle-là, c'est que je découvre les autres, je crois avoir compris des trucs, et puis non, ça tac, il y a des trucs qui ressortent. Donc ça, c'est le plaisir, bien sûr. Ça, c'est un moteur. Je pense que c'est un moteur essentiel de l'improvisation, quoi. C'est vraiment le plaisir. Alors, certainement que c'est un lien avec l'enfance, hein. Oui, certainement. Ouais. Enfin, moi, j'étais très gay quand j'étais gamin. Moi, tu l'es resté. Oui, pas de souci, le plaisir dans l'improvisation, essentiel. Marc, qu'est-ce que t'en penses ? Je suis d'accord. j'ai pas forcément à rajouter. Ouais. Dans le bouquin Confession d'un compositeur de John Cage, il dit qu'un jour, y a un prof qui lui a fait comprendre que composer, ça consistait à rassembler des sons de telle façon qu'ils s'accordent pour servir un plan général. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais merde, mais en impro, on est dans la sensation, on est dans l'immédiateté, on est dans faire émerger des trucs qui viennent, on ne sait pas d'où, mais on sait que ça vient, et puis ça s'accorde avec les copains, avec quelque chose qui est au centre de l'espace où on joue, quoi. Et en cours de route, on se dit en même temps que, tiens, il y a un truc continu qui se fait, quoi. Il y a un plan général, malgré tout, qui se fait. Et ça, ça me questionne. Je trouve ça vachement important, vachement beau, mais assez incompréhensible en même temps. Sauf à se dire que c'est l'espace qui est là, qui fait que... Enfin, je sais pas. Comment ça vous fait réagir, ça? Bon. Il est tôt, peut-être. Non, c'est super, mais je suis en train de manger. C'est super important. Moi, j'aime bien, quand je pratique l'improvisation, quand j'improvise, j'aime bien me projeter. C'est-à-dire ne pas être concentré uniquement sur la réalisation de l'instant, l'échange immédiat, l'écoute immédiate avec ce qui se produit. Mais plus j'avance dans l'improvisation et plus je travaille ça, de me projeter dans le temps, dans l'espace, plus loin. Et ça donne une autre manière de... On ne rentre pas de la même manière dans la musique que quand on a le seul souci de produire du son ou du silence. Hein. Donc c'est une autre projection dans la musique, je pense. En même temps, on peut aussi, c'est vrai, penser que sans avoir ce souci-là, de ce que je viens de dire, il y a dans tous les cas une structure générale qui se dessine quand même. Ouais. Dans tous les cas, il y a une forme générale qui se dessine. Qu'elle soit voulue ou moins voulue, elle est quand même là, elle est quand même existante. Et des fois, quand elle n'est pas voulue, elle peut être aussi très intéressante. Et voilà, c'est pas forcément ce qu'il voulait dire. Je pense pas que ça sous-entend que ça doit être calculé à l'avance. Quoi. Ouais. C'est juste que c'est une constatation que la production de sonore... Mais elle va créer une forme plus globale. Qui se constitue dans le temps. Qui se constitue dans le temps, dans l'espace, mais elle peut être voulue ou pas. Dans les deux cas, elle existe. Quoi. On écoute Agafia ? Eh bien oui, on va écouter Agafia. Et c'est parti, c'est tout de suite. Oh, Vous êtes sur France Impro. Et voilà, et on vient d'écouter Agafia avec Laurent Paris à la percussion et Marc Mafiolo au saxophone qui sont ce matin avec nous dans le studio. Et c'est cool quoi, ils ont fini leur chocolatine, on est en pleine forme, on est presque réveillés. Beaucoup mieux, ça va beaucoup mieux. Voilà. Et du coup, quels sont vos projets là maintenant, aux uns et aux autres ? On en a plein. Ensemble ou pas d'ailleurs. Mais tu veux parler du disque, Marco ? Du disque, du ouais. Notre là. Attends, j'ai le micro qui se casse la gueule. Voilà. Et je veux bien parler de la musique qu'on vient d'entendre, tu dis, ou du disque tout. Bah, les deux, tu peux faire les deux. Bah, déjà, moi, juste pour revenir sur le morceau. Je trouve ça chouette d'avoir choisi celui-là pour un truc, notamment pour parler de musique improvisée. C'est qu'il y a dans ce morceau-là, il y a vraiment cette histoire, en tout cas, que j'aime beaucoup de avec quel matériau assez petit au final, quel matériau on choisit, qui est tout petit, tout comme ça, et comment on le fait vivre, comment on le développe. Pour moi, ce morceau, c'est vraiment cette forme-là, voilà, de choisir un mode de jeu, de choisir une idée et de pas la lâcher, de travailler vraiment autour de ça, de la laisser vivre et voilà. Cage, dans son bouquin, il parle de ça à un moment donné. Il dit, il parle de l'esprit de la matière. Un jour, il a découvert, il l'a pas découvert, mais il n'y avait pas pensé. Il disait que le même son fait avec en tapant sur un morceau de verre ou en tapant sur un morceau de métal ou de bois. Eh ben, ça dégage pas évidemment le même son, mais ça dégage pas non plus la même émotion, ça dégage pas la même chose. Et il dit, bah, comme s'il y avait un esprit de la matière qui nous renvoie des trucs, quoi. Et bah, il parle de ce moment où il a découvert ça, enfin où il a pris conscience de ça, en fait. Oui, puis le développement aussi se fait sur, on parlait du plan général aussi tout à l'heure. Pour moi aussi, ça se joue dès l'instant que ça commence à jouer. La musique se joue aussi énormément. Ça vaut pour beaucoup de musique, pour tout. Dès l'instant où il y a une production sonore, il y a aussi cette part de choses qui ne nous appartient plus du tout. Une fois que c'est joué. Et il y a aussi cette chose qui ne nous appartient pas, qui fait avancer, qui fait qu'on génère quelque chose, mais il y a quelque chose qui vit aussi au travers de ça. Et c'est du développement permanent. Ouais, moi là, je me souviens les premières fois où on jouait avec un groupe qui s'appelait pas encore La Fraction Grossière avec Marc Demereau. J'avais l'impression, parce qu'on se connaissait pas les uns les autres, et j'avais l'impression qu'on mettait chacun des trucs, on mettait quelque chose, on mettait du son dans un espace commun qui était au milieu entre nous là, et chacun alimentait un peu avec ce qu'il avait à y mettre, tout en prenant soin de pas contrarier ou justement de faire exprès de contrarier si c'était bienvenu, mais de ce que faisaient les autres, quoi. Et sachant qu'on se connaissait pas, on se découvrait comme ça, On ne s'était pas connus avant, on se rencontrait à travers cet espace-là, qui pour moi c'était vraiment un espace qui existait, quoi, et qui était un espace sonore dans lequel on mettait des trucs qui étaient avec précaution, avec attention, avec en même temps enthousiasme et un engagement total, quoi. Et on s'ouvrait complètement à des gens qu'on n'avait jamais vus, quoi. Mais c'était une sensation vraiment forte, quoi. Et je sais pas si c'est ça pour tout le monde, les gens du groupe de l'époque, mais enfin, on est toujours ensemble, en fait. C'est peut-être aussi lié à ça. Non, mais c'est extrêmement physique. Hein. La musique, c'est bien réel. C'est pas, ça ne se voit pas, mais c'est de l'air qui bouge, hein. C'est de l'air qui bouge. Ouais. C'est complètement, c'est du corps, quoi. C'est de la matière. C'est important de le dire aussi, ouais. C'est vraiment physique et c'est pas... C'est vrai qu'on le dit pas pour les musiciens, mais les gens du théâtre ou les gens de la danse, ils disent que... Ou les gens aussi du tai chi, par exemple, ils disent que de temps en temps, il faut penser que l'air, il a une épaisseur, une masse, une fluidité. Et en fait, quand tu penses ça dans la musique, tu dis, bah ouais, aussi, évidemment, ça marche, quoi. C'est-à-dire que ça te revient, ça fait du poids, ça te secoue les tympans, ça te secoue la carcasse. Ouais, c'est que de l'air qui bouge, hein. Produire du son, c'est faire bouger l'air et se faire bouger soi-même, hein, à l'intérieur aussi, quoi. Donc c'est l'improvisation, c'est apprendre à gérer tout ça, tous ces mouvements d'air, tous ces mouvements intérieurs aussi, qui agissent des fois inconsciemment, et puis c'est bien d'en avoir conscience, de savoir gérer tout ça, de manipuler cette matière un peu particulière, quoi. Effectivement, la production de son, taper sur un verre avec une baguette en fer ou une baguette en plastique, c'est plus le même son, quoi. C'est un autre son, c'est une autre couleur, c'est une autre ambiance, ça te résonne différemment, quoi. Donc oui, l'esprit, on peut appeler ça l'esprit de la matière, effectivement. On peut appeler ça comme ça, si on veut. C'est très important, c'est très nuancé, quoi. On a dérivé, on parlait des projets. Revenons à nos moutons. Alors les projets, eh bien, question des projets. Voilà. Alors question des projets. Alors moi, en improvisation, là, j'ai un projet la semaine prochaine. Là, je vais jouer en trio avec Christine Vodraska et Robin Finker. On va jouer à Mauvaisin, c'est au sud de Toulouse. C'est chez quelqu'un qui s'appelle Hervé Dangla, qui a donc aménagé un espace de concert chez lui avec un piano à queue. Et c'est pour cette raison que nous sommes là-bas avec Christine. Il me semble que c'est déjà complet. Et voilà, donc je vous invite écoutez, à ne pas y aller. Je ne sais pas. Non, a priori, c'est déjà complet. A priori, ils ont fait une grosse com, quoi. Bah, si c'est toute l'émission comme ça, on va vite finir, parce qu'en fait, les projets, ils sont complets. Non, mais juste pour vous dire que ça, c'est un trio. On a joué très peu, je crois qu'on a joué deux fois. Et on a joué la première fois il y a un an, en février 2014, je crois, au Mandala, avant que le Mandala ferme. Et donc, on a décidé de se revoir. Et donc voilà, je pense que là, ça va être notre deuxième concert. On va passer quand même deux jours avant. On se fait une espèce de mini résidence sur place. Donc on va bosser deux jours sur place avec un concert le samedi 17. Et il y a Denis Badeau qui viendra nous rejoindre pour cette soirée. Donc il y aura la soirée en deux parties. Il y aura un solo de Denis Badeau, je crois, à 17h. Après une pause, on mangera la soupe d'Hervé. Et à 21h, il y aura donc le concert du trio. Voilà, donc je pense que ça va être une belle soirée d'impro. En tout cas, moi, je suis très, très fier et très heureux de jouer avec Christine et Robin, qui sont, à mon sens, de très grands improvisateurs. J'ai beaucoup appris, là, au contact de Christine. J'ai appris plein de choses. Elle m'a vraiment fait découvrir et fait toucher des choses que je n'avais pas encore touchées dans l'improvisation. Donc, et Robin, c'est pareil, c'est quelqu'un qui a une Ah, je crois qu'il y a un téléphone. On a un appel au standard. Un appel local. Je m'en occupe. D'accord. donc, voilà. Ensuite, fin janvier, je vais mixer en studio un autre trio de musique improvisée. C'est un projet qui existe depuis un peu plus longtemps, on a joué un peu plus souvent. Et c'est toujours Robin au sax, c'est clarinette, et c'est Pascal Maupeu à la guitare. Donc ça, c'est un projet qui a joué un peu plus régulièrement. Donc, cette année, on a fait une semaine de tournée là, au mois de juin. On a passé une demi-journée en studio. Voilà, ça va être mixé à la fin du mois, et normalement, ça devrait sortir en disque, je pense. C'est un trio qui a un nom ou... C'est un trio qui n'a pas de nom. C'est Robin Finker, Pascal Maupeu, Laurent Paris. Ouais. Ça aura peut-être un nom pour la sortie du disque, je ne sais pas. Donc, c'est prévu quand, la sortie du disque? Je ne sais pas. Pour l'instant, on va mixer et on va essayer de trouver. Mais en tout cas, le but, c'est quand même de le sortir. Mmh. Voilà, parce que ce qu'on a enregistré, ça nous a plu. Et on va essayer de sortir ça. Donc ça, en impro, c'est les deux projets à venir là prochainement. Et puis, il y a toujours Agafia avec Marco, avec lequel on joue régulièrement quand même. Et donc ça, c'est pareil. C'est un projet qui va perdurer. Et voilà. Ouais. On parlera des dates de concert après, à la fin. On fait un agenda pour le mois. Si tu veux. On y reviendra. D'accord. Marc, tu vas ajouter des choses? Non, puisqu'en musique improvisée, en tout cas, là, pour le moment, à Toulouse et région, janvier, tout ça, c'est assez calme. Après, moi, ça va être autour d'un trio qui s'appelle No Noise, No Reduction. C'est deux saxophones basses, un saxophone baryton, avec Florian Astorg au saxophone basse, Marc Desmereaux au saxophone baryton et moi-même au saxophone basse. Où là, on va avoir des concerts, mais qui vont plutôt être en avril et mai. Et c'est un trio qui est beaucoup écrit autour du rock noise, rock no wave des années 90. Mais du coup, réadapté, donc du coup, avec des formes d'improvisation, de matière, de son à l'intérieur. Ouais. Voilà. J'avais vu ça il y a quelques mois à Toulouse, oui. C'était un beau souvenir. Voilà. Et notamment, voilà, une forme aussi qui est assez chouette, qui aujourd'hui est un groupe, entre guillemets, de reprise. On rend un peu hommage à des groupes qui nous plaisent bien. Sauf que ce sont des groupes, des power trios de batterie, basse, guitare électrique, qu'on du coup réadapte à ces trois gros saxophones. Donc voilà, il y a ce travail un peu de départ, comment on, avec des instruments complètement différents, comment on retrouve une énergie, voilà, quelle musique on joue avec ça aussi, ouais. Ouais. C'est super. On s'écoute un morceau. Alors là, c'est une maquette, si j'ai bien compris. Hein, on a parlé des projets de Laurent, notamment. Une maquette. Voilà. Ouais. Et c'est ça qu'on fait. Donc là, ça sera avec Robin Finker, Pascal Maupeu. Voilà, en trio. Et ça va être mixé prochainement en studio. Ok. Donc tout de suite, le non-mix. Eh bien oui, vous êtes toujours sur France Impro. France Impro. Voilà, on va continuer ce fil rouge qu'on a commencé dès la première émission. Et en fait, on a décidé de lire des passages du livre de Lee Kuan Yin qu'on n'a toujours pas contacté. En fait, ce serait bien qu'on lui dise qu'on fait ce travail-là. Ça va nous être un procès, non, non. Non, bah, j'espère pas. Hein. Voilà, ça s'appelle Abécédaire d'une expérience. C'est un livre, enfin je sais pas comment on peut le trouver, mais en tout cas il y a un site, il y a le site de Lee Kuan Yin, je pense qu'il est possible de le commander, il me semble, je suis pas sûr. Voilà, donc on en est à la quatrième émission, lettre D. D comme décision. On peut lire souvent ou bien entendre qu'improviser c'est prendre des décisions, ne cesser de prendre des décisions, comme si s'ouvrait en permanence dans le jeu de la possibilité de plusieurs chemins. C'est peut-être une manière de célébrer le libre arbitre, sinon la liberté elle-même. Alors suis-je un improvisateur, moi qui n'ai jamais eu d'autre choix en jouant que celui qui s'impose de lui-même au point d'occulter toute autre possibilité? Suis-je libre en improvisant si je n'ai d'autre choix que celui d'obéir à une seule injonction intérieure? Suis-je libre si malgré la pluralité des forces en présence et le caractère fragmentaire des intentions, je ne puis envisager l'acte d'improviser comme un flux rassemblé? Et qu'est-ce donc que ce choix qui s'impose et qui n'est pourtant pas déterminé? Comment peut-il s'imposer alors qu'il n'est pas écrit à l'avance? C'est peut-être que la question de la décision et que la définition de la liberté comme possibilité de décider ne se pose pas en ces termes, que la liberté en improvisation est celle de vivre pleinement et parfois malgré soi sa propre singularité, qui peut être paradoxalement comme une solitude au service d'un projet commun. Excusez-moi, je lis très mal, je vais retourner à l'école. Ça fait partie de l'improvisation aussi, hein, de donner la place à des gens qui bégayent. Hein. Alors l'erreur dans l'improvisation, on peut en parler. La fausse note, hein, très importante, non? C'était très bien. Merci. On applaudit. Je suis content. C'est bien, tu as fait des progrès. Laurent, tu veux commenter le morceau qu'on a entendu tout à l'heure ? Le morceau qu'on a entendu tout à l'heure, c'est donc ça a été enregistré en studio, donc c'est pas du concert. Et voilà, c'est non, j'ai pas grand-chose à dire, sinon que ça va être mixé bientôt et que on espère que ça sorte en CD. Voilà, en tout cas c'est un trio qui fonctionne bien. Robin et Pascal ne se connaissaient pas, moi je les connaissais séparément. Je les ai fait se rencontrer. Et puis ça, la mayonnaise a pris de suite. Donc on a décidé de jouer ensemble. Voilà. Et là, on va essayer de sortir un disque. Voilà. Je vous inviterai à venir nous voir quand on jouera sur Toulouse. Sans problème. Voilà. Sinon, je voulais remercier Luc pour sa lecture. Et surtout, j'ai découvert un bouquin là, qui m'a l'air super. Il est vraiment bien. Ouais. Mais c'est moi qui vais le prendre. Ouais. Je vais me renseigner comment me procurer ce livre de Lee Kuan Yin, qui est un très très grand monsieur. Vraiment, je pense, on ne dit pas un maître, mais en tout cas, une référence pour beaucoup de monde. Et c'est plutôt bien. C'est quand même quelqu'un à écouter absolument, à découvrir. Donc je te remercie d'avoir lu ça, c'est génial. Non, et puis j'ai une découverte, je suis content d'être venu rien que pour ça, d'avoir découvert le bouquin. Ça serait vraiment chouette de l'inviter sur une émission, prochaine émission. Ah ouais. Je veux bien que vous m'invitiez, si vous l'invitez. Ah, oui. Alors là c'est... Ah oui. Parce que je devais le rencontrer chez lui, enfin, j'avais prévu d'aller le voir chez lui là, pour travailler avec lui un peu là, il y a quelques années. Et puis, c'était en plein hiver, il y a eu des histoires de neige, là, de verglas partout, on a été bloqués, quoi. Enfin, ça n'a pas pu se faire. Et puis après, les choses passent. Donc, on avait, voilà, c'est noté. Partie remise, mais en tout cas, ouais. C'est noté, on va lui dire qu'on lit son bouquin déjà tous les mois. Après, on va l'inviter. Ouais, j'ai prévu de lui envoyer un mail. Ouais. Est-ce qu'on partirait pas sur un peu de programmation ? Qu'est-ce qui se passe à Toulouse ? C'est une bonne idée, parce qu'on est bientôt à 10 minutes de la fin de l'émission. Alors, comme disait Laurent tout à l'heure, j'ai aussi 50 ans. Donc je mets mes lunettes pour lire la programmation du mois. Tu les fais pas, hein ? Jean-Michel. Ouais, donc le 11, il y a Zoubou. Avec Elisa Trocmé. Si je ne m'abuse, Henri Hetman et Frickman, je crois, à la contrebasse, c'est ça ? Et Gérard Frickman à la contrebasse, c'est ça. Ça se passe à la pizzeria. Et il y en a invité... Vas-y. Et en invité, il y a Face Organ, donc un trio... trombone à coulisses avec Alexis Persigan, moi-même, Luc Fagoga au mégaphone et Florian Astor au sac bariton. Il n'y aura pas donc Alexis Persigan, donc ce sera un duo. Voilà, ça va être super génial. On n'a jamais fait ça, on est très contents. Voilà, ça c'est inédit. Donc ce sera le 11 janvier à la pizzeria Belfort à côté de la place de Belfort, dimanche à Toulouse. Dimanche, exactement. C'est demain. Demain, en fait. Demain, parce qu'on est en direct, nous sommes en direct, mes amis. Voilà. Bien, le 14, toujours à la pizzeria Belfort, c'est dans le cadre Improfontaine, il y a Piac, et c'est avec Florian Astorg, avec Julien Ginest et Bertrand Freis. Exactement. Voilà. Et c'est un enregistrement en live, là, ça va être la sortie du deuxième disque, donc venez nombreux, vous pouvez peut-être vous entendre en train de crier derrière. Ce sera le 14 janvier. Après, le 15 et le 16, y a, dans le cadre des concerts du pavé dans le jazz, là, il y a un truc aussi qui est excellent, qui s'appelle Cassab, ce sera la salle Croix-Baragnon à 20h30, c'est en trio, Sylvain Cassab avec Fabien Duscamp et Julien Touéry. Voilà, ça aussi, à ne pas rater. Le 22 janvier, Porte de la Fontaine, donc toujours à la pizzeria Belfort, à côté de la place de Belfort, il y a... Alors, le nom, c'est Gasterman, c'est ça, si je ne me trompe, avec Florian Astorg, Henri Hetman et Youssef Ghazal, ici présents, n'est-ce pas ? Bonjour. On l'applaudit. Ce sera le 22 janvier, à la pizzeria Belfort, Porte de la Fontaine. Ensuite, j'ai noté que du 26 au 31 janvier, il y a un festival qui s'appelle la Semaine du Son. C'est partout en France. C'est des conférences, des débats et des concerts. C'est tout gratuit et il faut se renseigner ce qui se passe à Toulouse. En fait, j'ai pas le détail, mais sur internet on trouve tout ça et ça doit être vachement intéressant. Du 26 au 31. Du 28 au 31, Performance et toi, ça s'appelle, c'est au Théâtre du Vent des Signes, c'est du théâtre, de la performance et du rock. Il y a de l'improvisation là-dedans aussi, si j'ai compris. Ça a l'air bien. Enfin voilà, c'est au Théâtre du Vent des Signes. Et pour finir, le 30, à la Pizzeria Belfort, il y a un trio avec des lectures, musique improvisée, avec Olivier Capel, Laurent Paris, ici présent également, et Laurent Rochelle. Venez nombreux, c'est génial. On va lire des. En fait, c'est ce trio qui s'appelle Un chat dans la table de nuit. Elle existe depuis 3 ans. Et c'est un trio de musique improvisée qui met en musique des textes, des lectures. Et des lectures différentes à chaque fois. Donc on n'a pas vraiment de répertoire de textes. Donc on s'adapte à toutes les situations, c'est très jouissif. On joue aussi bien pour des maternelles à lire des livres sur le be, le a, le baba et le bibi, qu'on met en musique devant les enfants. On joue aussi bien dans des collèges que dans des festivals du livre. Voilà, on lit de la bande dessinée qu'on met en musique. Récemment, on a répondu à une demande d'une médiathèque pour faire un spectacle sur la guerre de 14. Pas sur la guerre de 14, sur 14-18, c'est-à-dire qu'on a pris des textes de l'époque de 14-18, pas uniquement de la guerre. Donc voilà. Et à la Pizzeria Belfort, le 30, on lira des textes écrits par des musiciens. Donc on lira des trucs de John Cage, de Debussy, de Coltrane, de, voilà, Stravinsky, de, voilà, Patti Smith. Donc voilà, ça sera mis en musique en temps réel avec Olivier Capel qui est un vieil ami, un très grand ami, chanteur hors norme, atypique au possible. Et Laurent Rochelle, clarinette, saxophone, machine et ustensiles divers. Voilà, je vous invite à venir le 30 à la Pizzeria Belfort. Est-ce qu'on a oublié des choses dans le programme? Ouais, mais c'était complet, les concerts, apparemment. Non, c'est pas ça. Le concert du 17 à Montbozon. Ouais, a priori, c'est complet. Hein. A priori, c'est complet. Ok. On s'enverrait pas un petit peu de son? On pourrait envoyer le Lee Kuan Yin. Peut-être on pourra finir par Agafia, quand même, je me dis à la fin. Donc on peut envoyer un peu de Lee Kuan Yin pour l'entendre. On en a parlé tout à l'heure. Eh bien, ok. Un peu de Lee Kuan Yin, ça s'appelle Le Ventre Négatif. Ouais. Et puis on terminera avec Agafia pour terminer l'émission. Ouais. Ça roule, c'est parti. Et après le ventre négatif, on a qu'à mettre un test positif. Elle est quoi ? Non, on a fait le test positif. synchro. Ça donne chaud. Voilà, on vient d'écouter Lily Kuan Yin. C'est un morceau du disque, je sais pas si tu as la référence. Sinon, ce matin, on avait Agafia en invité avec nous, Laurent Paris. Merci Laurent d'être venu du Gers exprès pour ce matin. Merci à vous, c'était très agréable. On a passé un très bon moment aussi. Marc Mafiolo, merci aussi. Merci à vous. Et puis il y avait Luc et puis Youssef ce matin avec nous. Et puis Jean-Michel au micro. Et puis on va vous dire au mois prochain. Ce sera le deuxième samedi du mois de février pour France Impro. Et on va finir l'émission avec un morceau d'Agafia, donc, qui s'appelle « Est-il au test positif ?» Voilà, tout un programme. On vous souhaite un bon week-end, portez-vous bien. Et c'est presque parti, je crois. Et allez au concert. Ouais, c'est vrai. Sortez, allez au concert, allez écouter les copains. Oh, my God.